Chapitre 6e, troisième jour. Christophe se réveilla avec un léger mal au crâne, un peu avant la sonnerie du réveil. Il n'avait pas envie de se lever. Ce refus lui arrivait de temps en temps, quand il était contrarié. Et il l'était. La veille, il n'avait pas eu d'appel de Marie. Il l'avait attendu très tard. Quand il l'attendait, il était incapable de faire durablement quelque chose d'autre. De se concentrer, par exemple, sur un dossier. Il commençait mille choses, n'en finissait aucune. Il tuait le temps, comme pour se venger, tout en lui trouvant des dizaines d'excuses pour ne pas appeler. Il se leva pour faire cesser son charivari cérébral, sans y parvenir. Dans les minutes qui suivirent, il renversa son paquet de café sur le plancher, cogna sa tête dans une porte de placard entrouverte, se brûla avec le café trop chaud. Et se coupa en se rasant. En se demandant si la journée serait aussi catastrophique, il étendit la mousse à raser sur sa brosse à dents. Cette absence passagère l'amusa, contribuant à le sortir de ses interrogations matinales. Il prit son petit déjeuner chez Christian. Martin était là. Visiblement, il avait mis le barman au courant de leur déboire de la veille. Un cocktail traditionnel hier soir, Martin ? Pas vraiment. C'est différent à chaque fois. C'était comment? Disons un tiers de passion, un tiers de recherche, un tiers de volupté, et un dîner en amoureux. Ton sac de souvenirs ne doit pas être aussi vite que tu le prétends. Ça ne te regarde pas, Christophe. Tu sais ce que tu vas dire à BG. Il risque d'être furieux. Nous verrons bien. Christian servit le café et les croissants, espérant des révélations qui ne vinrent pas. Au fait, tu as vu quel film hier soir? Finalement, j'ai potassé le dossier. Tu as eu un appel de Marie? Non. C'est pas cool. Tu n'as pas dû trop te concentrer sur notre affaire, je suis sûr. Tu avais la tête ailleurs. L'entretien avec BG se passa mal. Il les sermonna assez longuement, leur expliqua ce qu'ils auraient dû faire tout en remontant nerveusement son nœud de cravate, leur rappela toute l'importance de cette affaire, l'honneur qu'il leur faisait, la confiance qu'il leur accordait. Il termina par des conseils inutiles et leur donna rendez-vous pour le lendemain matin en appelant Graziani dans son bureau. En entrant Penaud dans leur bureau, ils ne savaient que dire. Ce matin, ils avaient convoqué Charles Quentin et la supposée gouvernante de Marchand. Ils attendaient aussi le collègue chargé d'identifier l'ami invisible de la victime. Martin tripotait son combiné téléphonique et Christophe farfouillait dans ses papiers lorsqu'une jeune femme entra. « Bonjour, messieurs. C'est lugubre ici. J'ai comme l'impression de déranger. Inspecteur stagiaire Solange Lernoux, heureuse de vous connaître. » Les yeux de Martin s'allumèrent façon veilleuse. « Je suis l'inspecteur Martin Lestage et voici mon collègue Christophe Carpol. Asseyez-vous, madame, mademoiselle. » Il passa des veilleuses au code, puis plein phare. Devant eux, sans complexe, se tenait une grande et belle fille aux formes parfaitement mises en valeur dans un jean bien ajusté, et un petit pull léger, peut-être un poil trop étroit. À peine maquillée, elle souriait naturellement, laissant supposer un caractère agréable et une grande détermination. Surpris, le spécialiste des femmes fut suppléé par Christophe, moins émotif sur ce coup. « Oui, oui. Qu'avez-vous à nous dire, mademoiselle Marie-Solange Lernoux ?»« Je n'ai pas appris grand-chose. C'est un homme, je dirais, transparent. Les gens que j'ai interrogés connaissent son existence, l'ont rencontré, certains lui ont parlé, mais aucun n'a pu me fournir d'indications précises. Il y a quand même quelqu'un qui peut nous en dire quelque chose. Avec qui en avez-vous parlé ?»« Avec les habitants de l'immeuble, mais aussi avec les commerçants du quartier. » Apparemment, il allait boire un verre de temps en temps, ici ou là. Aucune piste, alors? Rien. Christophe s'était levé, gêné de rester assis devant la jeune femme. Il était témoin d'un vol dans une pharmacie. Avec un peu de chance, ses déclarations et son adresse sont dans le dossier. Bonne idée. Il nous faudrait le résultat dans l'après-midi. Voulez-vous qu'on vous aide? Cela irait plus vite à deux, ajouta Martin requinqué. Vous avez sûrement des choses plus importantes à faire, messieurs. « À plus tard. lança-t-elle en sortant dans un tourbillon parfumé. Martin n'avait pas trouvé la réplique adéquate, celle qui lui aurait permis de faire davantage connaissance avec ce charmant inspecteur stagiaire. Il la vit partir avec regret, en se promettant de ne pas en rester là. C'est dommage d'aller au boulot. J'aurais préféré bavarder avec cette belle brune et approfondir son parfum. Moi aussi, figure-toi. Toi, Christophe, non. Les deux inspecteurs replongèrent dans leur dossier. Christophe repensait au sex-appeal de l'inspecteur stagiaire. Il aurait aimé tromper Marie pour la rendre jalouse, à condition que cette trahison soit sans conséquence sur leur relation. Elle lui avait dit souvent qu'il pouvait avoir des aventures avec d'autres femmes, que cela ne la gênerait pas, que ce serait tout à fait normal, puisqu'elle avait des relations avec son mari, que se voir une fois par semaine était sans doute insuffisant pour lui. C'était leur unique occasion de se disputer. Tous ces arguments le rendaient fou de rage et il avait le plus grand mal à se calmer. Comment pouvait-elle être indifférente à ses possibles autres relations avec d'autres femmes? Ne l'aimait-elle que le temps qu'il passait dans son lit? Peut-être espérait-elle qu'il rencontre quelqu'un d'autre et qu'il en tombe amoureux pour faire cesser leur relation? Comment pouvait-elle lui dire qu'elle faisait l'amour avec son mari, que c'était normal? Quand il était au paroxysme de ses angoisses, elle venait se blottir dans ses bras et l'embrassait tendrement. Alors les folles idées de Christophe disparaissaient, inspirées par ses baisers. Elle finissait par lui dire qu'elle faisait exprès de le rendre jaloux, pour qu'il soit encore plus épris d'elle. Ses disputes se terminaient toujours par des performances amoureuses qu'elle appréciait particulièrement. Christophe, je te rappelle que Quentin ne va pas tarder à arriver. Arrête de rêvasser. Comment sais-tu que je rêvasse? Je commence à te connaître. Tu n'as pas lu le mail d'hier? Charles Quentin, ancien militaire, demeurant 3 rues austères, à la 60aine, voit la victime depuis au moins 6 mois, d'après les voisins. Il passait régulièrement la nuit chez elle. Il a été arrêté 2 fois pour tentative de détournement de mineurs en région parisienne. Non, tu aurais pu me le dire. Je n'y ai pas pensé, je croyais. Et puis il faut savoir où tu t'informes ou tu rêvasses. Charles Quentin s'assit à l'invitation de Martin, qui sortit du bureau. Christophe téléphonait. Il expliquait à son correspondant qu'un individu recherché pour des agressions sexuelles circulait en ville, mêlant des sous-entendus obscènes à des détails sordides. Ils avaient installé la chaise entre leur bureau, dos au tableau où étaient épinglées les photos du dossier. L'immeuble n'était pas de la première fraîcheur, encombré de dossiers. Christophe fit la conversation 5 bonnes minutes à l'issue desquelles il s'intéressa à Quentin. Il l'observa longuement sans un mot, jeta un œil intéressé sur le dossier ouvert sur son bureau. Enfin, il se décida à parler. « Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur Quentin. »« J'ai lu le journal d'hier. » »« La une a dû vous faire un choc. »« Beaucoup plus que vous pouvez l'imaginer. » »« Denise m'apportait énormément de choses. »« Sa disparition est terrible pour moi et... » »« Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois ?»« Il y a 3 jours. Je devais la revoir ce soir. » Quentin baissa la tête, regardant ses chaussures. Âgé de 62 ans, il en paraissait 10aine de moins. Pas très grand. Le visage taillé à coups de serpe marqué de quelques cicatrices. On devinait sous ses vêtements une musculature entretenue, sans surcharge pondérale inutile. L'archétype de l'ancien sous-officier baroudeur, fort en gueule, prêt à bondir pour défendre la patrie et obéir sans chercher à comprendre. Quel genre de rapport aviez-vous avec elle? J'attendais cette question. Disons des rapports amoureux. Vous voulez dire des rapports sexuels? Si vous préférez. J'avais compris que vous réserviez votre attention à des partenaires plus jeunes, nettement plus jeunes. Il fixait Christophe en tapotant sur la table, visiblement énervé et contrarié. C'était une erreur, un accident de parcours. Ses doigts s'agitaient de plus en plus vite, de plus en plus fort sur la table. Vous la connaissiez depuis longtemps? Depuis enfant, en fait. Vous l'avez connue au berceau? Tout juste. J'étais un ami de son père, un militaire comme moi. Je ne l'avais pas vue depuis près de 15 ans. Je l'ai retrouvée ici, par hasard. Quentin se passa la main sur le visage, comme pour enlever un masque. Non. Je suis venu m'installer ici il y a 6 mois. Parce que je savais qu'elle y était. J'avais besoin de reprendre mes esprits. J'ai toujours eu un bon contact avec Denise et j'étais certain qu'elle pourrait m'aider. Vous aider? Comment? En essayant de me comprendre, en me parlant, en ne me laissant pas seul après mes ennuis. Et finalement, elle est devenue votre maîtresse. Oui, et je n'ai plus regardé les jeunes filles. Comment expliquez-vous qu'elle ait accepté de coucher avec vous ? Son regard replongea sur ses chaussures. C'est très personnel, je ne souhaite pas en parler. Il le faut pourtant, monsieur Quentin. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un meurtre. Je vous conseille de me dire tout ce que vous savez. Il faut m'aider à prouver votre innocence. Cela ne sortira pas d'ici. M'innocenter a peu d'importance. Je ne sais pas ce que je vais devenir sans elle. Je me fous de tout maintenant. Peut-être serais-je mieux derrière des barreaux. Mais pour vous aider à trouver la crapule qui l'a tuée, je vais tout vous dire. Martin entra à ce moment. Tu tombes bien, Martin. Peux-tu continuer à noter les déclarations de monsieur Quentin ? D'accord. Poursuivez, monsieur. Je vous écoute. Quentin se redressa, manifestement plus à l'aise face à Martin. Il faut que je vous dise tout ce qui pourra vous choquer de mon fait. Il n'y a jamais eu de pensée malsaine de sa part, jamais. J'ai eu des rapports sexuels avec Denise quand elle a eu 15 ans. C'était une belle jeune fille et nous avions beaucoup d'affection l'un pour l'autre. J'ai profité d'une dette d'honneur de son père qu'il a honorée en m'offrant sa fille. Je devais repartir en Afrique dans les jours qui suivaient et j'en avais. Vous avez eu beaucoup de relations avec des filles de cet âge ? En France, non, c'est la seule fois. Ailleurs, en Afrique ? Oui, comme beaucoup de mes collègues, les filles sont plus rapidement matures là-bas. Comme vous le savez peut-être. J'ai été son premier amant et cela l'a marqué, comme toutes les femmes, ou presque. Cet amour a influencé le cours de mon existence. J'ai fait des projets insensés, la concernant pendant des années et des années, sans les mener à bien. Elle a été un élément de stabilité dans ma vie. J'avais un but, je veux dire, en plus des missions qui m'étaient confiées dans le cadre de l'armée. Quentin avait repris de l'assurance et regardait Martin comme si celui-ci était plus à même de le comprendre. « Vous avez beaucoup voyagé. »« Oui, et je peux vous dire que le sang est le même partout, que les tâches qu'il fait sont indélébiles. Mais c'est un autre sujet. Denise est redevenue ma maîtresse parce que j'avais été son premier amant. Est-ce une raison suffisante ? Elle aurait dû au contraire vous en vouloir beaucoup. »« Vous ne connaissiez pas Denise. Elle était faite pour aimer. J'ai dit pour aimer, pas pour coucher. Elle m'a aimé parce que j'avais besoin qu'elle m'aime, elle. » Pas une autre femme. Pensez-vous qu'elle avait de bonnes raisons de coucher avec d'autres hommes ? Quentin hésita, cherchant ses mots. Sa main remit son masque rapidement. Je sais qu'elle avait d'autres relations amoureuses, et je sais qu'elle se donnait par amour. Vous êtes drôlement mordu. Elle était ma planche de salut, comme on dit. Je vais retourner dans mon brouillard et ma froide solitude. J'ai peur de ce que je suis capable de faire maintenant. Vous savez, mon premier réflexe a été de me constituer prisonnier et de m'accuser, pour me mettre à l'abri de moi-même. J'ai réfléchi, et j'ai compris qu'il était indispensable que le vrai coupable soit puni. Nous devons être nombreux à la pleurer, et je ne suis pas jaloux des autres larmes. Elles me confortent dans mon chagrin. Quentin s'arrêta de parler et fixa le sol à nouveau. Il semblait éteint, comme un jouet dont les piles sont usées. Christophe et Martin s'interrogèrent du regard. Il voulait l'asticoter et le faire craquer, il s'était expliqué franchement sans contrainte. S'agissait-il d'une manœuvre de diversion du stratège qu'il devait être ? Merci pour ces précisions. Monsieur Quentin, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez la nuit du crime ? J'étais chez moi, murmura-t-il. J'ai regardé la télé ensuite, j'ai écrit, je rédige mes mémoires. Dernière question pour aujourd'hui. Connaissiez-vous les amis de la victime ? Ses relations ? De temps en temps ? Il y avait un jeune garçon chez elle. Je n'ai rencontré personne d'autre. Je n'étais pas curieux de ses relations. Elle avait l'air heureuse. Vous devez rester en ville dans les jours qui viennent. Nous aurons peut-être d'autres questions à vous poser. Je suis à votre disposition. Trouvez celui qui a fait ça et faites-le payer. Christophe reconduisit Quentin et retrouva Martin. Je crois qu'il est sincère. Qu'en penses-tu, Martin ? Il semble complètement perdu. Je ne vois pas pourquoi il l'aurait tué. Lors d'une crise, il ne doit pas être bien équilibré. Tous nos témoins sont bouleversés par la mort de cette femme. Oui, elle devait avoir une grande zone de bonheur. La fameuse théorie de la zone de bonheur de monsieur l'inspecteur Christophe Carpol. Faudra que tu m'expliques un jour. Ok, une autre fois. Nous avons encore à entendre l'employé de Marchand. Enfin, quelqu'un que la mort de Denise Doulade ne doit pas bouleverser. Va savoir. Elle arriva un peu en retard, ce qui provoqua une réflexion à bras macho de Martin. Elle était habillée avec chic. Ses longs cheveux blonds montés en chignon lui faisaient un visage sévère. Deux boutons de son chemisier étaient défaits, sans montrer toutefois son soutien-gorge. Elle paraissait sûre d'elle. Martin s'éclipsa assez vite et appela Christophe au téléphone. Il était question d'une femme jalouse qui avait assassiné sa rivale. Christophe comprenait parfaitement son geste et était persuadé que les jurés seraient cléments. La femme attendit patiemment que la conversation se termine. Elle promena son regard autour de la pièce, l'arrêtant de temps en temps, étonnée ou amusée. Ce manège agaça Christophe qui raccrocha. « Vous êtes mademoiselle Patricia Utborg, d'origine suédoise, norvégienne. Mon père a connu ma mère en France et il est revenu s'y installer pour l'épouser. Elle avait peur d'affronter le climat scandinave. Je la comprends. Vous connaissez monsieur Marchand depuis longtemps, depuis 2 ans. Il m'a embauché comme secrétaire particulière. Je suis diplômé de commerce international et accessoirement je parle 4 langues. Vous travaillez chez lui ? Oui. Monsieur Marchand a eu des ennuis de santé. Et il ne se rend que rarement à son usine. Il se repose sur son directeur de la production et sur son directeur financier. Il traite directement les contrats commerciaux. Pour se donner une contenance devant cette jolie femme, Christophe s'assit sur le rebord de son bureau. Il avait l'impression de dominer la conversation, mais comprit son erreur en ayant une vue plongeante sur le décolleté, ce qui le fit légèrement bafouiller, provoquant un petit sourire de la femme. Pourquoi a-t-il besoin d'une secrétaire ? Chaque jour, je récupère les rapports de l'usine et des réseaux commerciaux et j'en fais un résumé pour M. Marchand. Je m'occupe de ses rendez-vous avec les clients. Je liste les décisions importantes à prendre, etc. Vous habitez chez lui ? Oui. Il essaya de la regarder dans les yeux pour éviter de regarder plus bas, sans vraiment y parvenir. Votre travail ne le justifie pas. Elle ne se démonta aucunement, gardant ses jambes sagement décroisées, la jupe couvrant en partie ses genoux. M. Marchand a confiance en moi. Il me demande aussi de m'occuper de sa maison, comme le ferait une gouvernante. Il y a 2 employés de maison et un chauffeur qu'il faut diriger. Je lui ai servi d'infirmière l'année dernière, quand il eut besoin d'une surveillance permanente. Une super assistante, quoi. Je suppose que c'est un emploi bien payé. Votre patron a les moyens, sans doute. Il a monté sa société il y a presque 15 ans. Il a travaillé sans mesurer ses efforts et il a réussi. Ce n'est que justice. Il me paye bien, c'est vrai. Mais je pense le mériter amplement. En général, il ne jette pas l'argent par les fenêtres. Vous lui êtes très dévoué, cela se voit. Jusqu'où vont exactement vos services ? Elle fixa Martin. Que voulez-vous dire ? Vous m'avez parfaitement compris. Vous êtes ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Christophe se leva l'air contrarié et en profita pour se réfugier dans son fauteuil. Votre patron est peut-être l'assassin. Il faut que je me fasse une idée sur les suspects. Vous y compris. Si vous ne voulez pas répondre, nous questionnerons Marchand. Nous verrons ce qu'il dira, lui. La réponse fusa, sèche. Vous êtes sans cœur. Je fais mon travail du mieux que je peux. Ce que vous me direz restera entre nous. Mais j'ai besoin de mieux connaître votre patron. Je ne le crois pas coupable. Aidez-moi à conforter cette idée. Vous avez vu sa réaction. J'ai eu très peur pour lui. Les trop grosses émotions lui sont interdites. Christophe se releva, s'appuya contre le mur. Il n'était pas à l'aise face à cette jolie femme. Ils avaient des rapports sexuels ? Je suppose que oui. Vous supposez ? Je n'étais pas avec eux, et il ne me l'a jamais avoué explicitement. Mais je le savais, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il ne me demandait plus rien, quand il l'avait vu. Là, vous êtes content ? Christophe hésita, cherchant ses mots. Je ne prends aucun plaisir à vous questionner, vous savez. Vous aviez donc des rapports intimes avec lui ? J'ai toujours des rapports intimes. Comment dirais-je ? Voyons, allez-y, vous prenez des gants maintenant. Son poids doit être gênant, non ? Elle pâlit, le regarda. Elle n'avait plus pensé à cet inconvénient depuis des mois. Elle voulait l'oublier, et il l'agitait devant ses yeux. Vous êtes sans pitié. Comment faites-vous l'amour ? Arrêtez, s'il vous plaît, dit-elle, suppliante. Christophe ne prenait aucun plaisir à la torturer. Au contraire, il était gêné de fouiller dans les recoins de son intimité. Je m'arrêterai après votre réponse. Je pratique la fellation. Merci de votre franchise. Vous désirez un verre d'eau ou autre chose ? Un verre d'eau. Martin ! L'inspecteur Lestage passa la tête. Un verre d'eau pour mademoiselle, s'il te plaît. Patricia Hautborg but lentement. Elle paraissait soulagée. Elle regarda Christophe et ses yeux lui rappelèrent sa promesse de garder pour lui ce qu'elle avait dit. « As-tu demandé à mademoiselle son emploi du temps et celui de monsieur Marchand ?»« Non, j'allais y venir. Pouvez-vous nous dire où vous étiez le soir du crime ?»« Nous étions à un concert à la salle Carpeau. »« Vous y avez rencontré quelqu'un ?»« Non, mais peut-être que quelqu'un nous a vus. »« Bon, nous vérifierons. Merci pour vos déclarations. »« Nous essaierons de ne pas trop questionner monsieur Marchand. »« Il ne compte pas se déplacer ces jours-ci, ni vous. » « Non, non, rien de prévu. Peut-être à bientôt, mademoiselle Hautborg. » Christophe et Martin se retrouvèrent seuls. « J'ai l'impression que tu l'as un peu bousculé. » Elle avait l'air remuée. « J'ai essayé de savoir quels étaient ses rapports avec Marchand. Ce ne fut pas facile. » « Je me sens un peu honteux, j'avoue. Peut-être suis-je allé trop loin. » Je voulais la déstabiliser pour voir sa réaction, mais elle a tout fait pour protéger son patron et amant. « D'accord, d'accord. » Au moins, tu n'as pas été long. Nous sera l'heure pour déjeuner. Tu as réservé ? Oui. Pendant le trajet, Christophe résuma sa conversation. Il mentionna les pratiques sexuelles de Marchand et de sa secrétaire sans s'y attarder. Curieusement, Martin n'en demanda pas plus. Marie aussi avait pratiqué une fellation. Il ne l'avait pas sollicité. Il avait été surpris, mais pas choqué. Cet après-midi-là, l'atmosphère érotique avait été torride et Marie n'avait fait que goûter à son sexe. Elle le fit jouir de cette manière, après qu'il lui ait lui aussi donné du plaisir. Il avait envie d'elle, maintenant. « À quoi penses-tu, Christophe ? Je peux t'aider ?» Christophe éclata de rire. « Oh non, tu ne peux pas m'aider, Martin. Sûrement pas. » Martin n'insista pas. Ils commencèrent à parler de l'enquête après avoir dégusté le loup au fenouil. « J'ai demandé une surveillance de Quentin. Je crains qu'il ne retombe dans ses péchés mignons maintenant qu'il n'a plus son garde-fou. Il a l'air très affecté. » Mais nous ne pouvons pas gaspiller du temps avec lui, si nous ne le pensons pas coupable. Enfin, il l'est peut-être. Sommes-nous en présence d'une troupe de comédiens, lequel joue les mauvais rôles. J'ai convoqué Marceau demain matin. La gardienne de son immeuble le préviendra qu'il a une lettre urgente. Elle a donné des renseignements intéressants. J'ai appris qu'il se déplace souvent et qu'il sort beaucoup le soir. Il a aussi des ennuis avec ses voisins, à cause de sa chenille-fille. Un jeune homme moderne, quoi. Quel âge ? 27 ans. Christophe termina son verre de Riesling. Tu as bien choisi le vin. 40, 60, 27 ans. Toutes les générations sont représentées. Surtout si on y ajoute le petit garçon. C'est vrai. Je me demande quel âge a le quatrième. 50 ans. Ce serait logique pour la régularité de la série. Ou 80. Pourquoi pas un centenaire? Parle-moi de ta théorie du bonheur maintenant que j'ai le ventre plein. Il versa le reste de la demi-bouteille d'Alsace. Tu as raison, tu comprends mieux après les repas. Chacun de nous a une zone de bonheur plus ou moins développée, et à l'inverse, nous avons une zone de difficulté. Disons que trois droites parallèles délimitent deux bandes. Christophe les dessina sur la nappe. Je vois à peu près. La bande du haut est la zone de bonheur. Certains ont une bande de bonheur très large, l'autre zone étant petite et inversement pour d'autres personnes. Tu peux aisément imaginer les différents cas. Martin suivait l'illustration. « Mais encore ? » demanda-t-il. « Nous évoluons dans ces zones un peu comme des personnages de jeux vidéo. Il y a des règles. Celui qui veut atteindre le haut de sa zone de bonheur prend le risque de tomber au bas de la zone difficile. On peut se cantonner à une frange autour de la droite d'équilibre du milieu, sans prendre de risques, mais on renonce alors à vivre intensément. Pourquoi certains d'entre nous ont une zone de bonheur plus large que les autres ? Eh oui, bonne question, inspecteur. Par hérédité ou par chance, ou peut-être parce qu'il est possible de changer soi-même les limites des deux zones. Je n'ai pas encore ficelé ma théorie, mais attention, on peut avoir une zone de bonheur très large et ne pas pouvoir y accéder. On peut rester enlisé dans sa petite zone de malheur. C'est compliqué. Christophe descendit son verre de Riesling pour reprendre des forces. À l'inverse, on peut camper dans une petite zone de bonheur. Je crois que tout dépend de chacun d'entre nous. Sauf l'intensité du bonheur qui dépend de la largeur de la zone. Mais alors, pourquoi parlais-tu de la grande zone de bonheur de Denise Doulade ? Christophe se risqua sur un nouveau dessin avec des flèches. Parce que les personnes qui ont cette grande zone de bonheur attirent les autres qui veulent la partager. Encore faut-il que les privilégiés soient généreux pour partager. Alors, elle était généreuse, la Denise ? Oui, c'est ce que je crois. Pourtant, cette attitude n'est pas la plus fréquente. Nous sommes généralement égoïstes. » Elle attirait donc les hommes pour satisfaire sa générosité. « Tu trouves ça idiot ?» Il crayonna sur la nappe comme pour effacer un truc compromettant. « Bof, faut que j'y réfléchisse. » Et ceux qui pénètrent dans ces zones de bonheur ne les abîment pas. Christophe arrêta de maculer les zones de bonheur comme un petit garçon pris en faute. Ils peuvent nous en éjecter comme avec Denise Doulade. Mais plus souvent nous risquons de dégringoler dans la zone de malheur, et plus on tombe de haut, plus on en prend pour son grade. Et si l'on descend trop bas et que l'on dépasse la limite, c'est fini. Comme pour elle, elle est morte et je trouve cette mort affreuse. Et nous n'avançons pas. Nous n'avons rien appris ce matin, rien de rien. Il arracha violemment le coin de nappe sur lequel il avait dessiné. « Il y a Marceau. Le docteur, la mère de l'enfant ou la femme de ménage. Nous avons quelques fers au feu. Rien n'est perdu. »« Tu as raison, Martin, de me remonter le moral. J'en ai besoin. »« Tu connais des femmes qui ont de larges zones de bonheur, des brunes aux yeux bleus, par exemple ?»« Tu me connais trop bien, Martin. » »« Si nous retournions place à Albert Camus. » Il mit le bout de nappe plié dans sa poche. « Je les préviens pour que nous n'ayons pas de problème. » Christophe et Martin restèrent un long moment affurtés dans l'appartement de Denise. Ils parlèrent peu, comme s'ils espéraient que les meubles, les livres ou les murs leur révèlent ce qui s'était passé le soir du crime. L'appartement était vraiment confortable et cette femme admirable d'après ce qu'il en savait. Il tomba sur un petit écran de télé en soulevant une petite trappe. Tous ces hommes avaient eu de la chance. Ils allaient traverser une sale période, sauf peut-être l'un d'entre eux, mais lequel ? Ils rentrèrent au commissariat bredouillé de mauvais poil. « Je vais convoquer Marchand demain matin. Il faut que nous l'entendions, celui-là. Il a des choses à nous dire. J'en suis plus que sûr. Qu'entendait-il de cette femme ? J'aimerais le savoir. Moi aussi. Faut que je prépare un speech pour les journalistes. Ils doivent trouver le temps long. Que vas-tu lâcher ? Je vais leur dire que Madame Doulade était une femme respectable. Qu'elle a probablement été victime d'un crime crapuleux, blablabla. Mais tu n'en sais rien. Il faut bien que je leur dise quelque chose. Cette hypothèse me semble de nature à ne pas trop compromettre l'enquête. Que va dire BG ? Nous verrons ça en temps opportun. Tu préférais que je leur développe ma théorie de la zone de bonheur ? Pourquoi pas ? Je ne serais pas le seul à qui tu exposerais tes brillantes idées. Reconnais que je t'en réserve l'exclusivité. Tu as peut-être tort. Je préfère ne pas le savoir. C'est une de tes caractéristiques, faire l'autruche. À condition, bien sûr, que dans le trou de sable dans lequel tu as enfoui ta tête, il y ait Marie. Tu crois que j'ai tort de conserver mes relations avec elle ? Je n'ai pas dit cela. Fais ce que tu as envie de faire. Martin arpenta les couloirs à la recherche de l'inspecteur Marie-Solange Lernot. Christophe relut les notes de Martin espérant le déclic qui le mettrait sur la bonne piste. Il croyait en sa bonne étoile. Elle ne l'avait jamais abandonnée. S'il arrivait toujours à ses fins, il pensait qu'il manquait d'ambition et qu'il se fixait des objectifs faciles à atteindre. Mais il y avait eu Marie. Il ne s'était pas fixé le but d'en faire sa maîtresse, pas expressément, mais sans doute inconsciemment. C'était arrivé, c'est tout. Il aimait se dire qu'une bonne étoile veillait sur lui. Cette bienveillance du ciel lui donnait un peu d'assurance. Il avait espéré que sa rencontre avec Marie lui redonnerait davantage confiance en lui. Et il en était moins convaincu maintenant. Il se sentit tout à coup vidé et désespéré. Il ne pouvait rester dans cet état. Il appela le journal de la ville, discuta 10 bonnes minutes avec une journaliste qu'il connaissait, espérant que les informations qu'il fournissait suffiraient à leur bonheur. Il n'en fut rien. Il s'en tira en l'invitant à dîner. Il se demanda s'il allait inviter Martin à se joindre à eux. Il renonça en se disant qu'un dîner avec une charmante jeune femme lui changerait les idées. Il se demanda s'il renoncerait à coucher avec elle pour ne pas courir le risque de trop en dire. Il se souvenait de leur dernière rencontre. Elle s'était montrée douce, aimable. Peut-être aurait-il pu conclure, lui avait laissé entendre Martin comme un reproche. Ce dernier entra excité. Impossible de savoir où est Marie-Solange. Marie-Solange, ah, la stagiaire. Tu es pressé d'avoir son rapport. Christophe était hilar. Moque-toi, vas-y. Bien sûr que j'ai envie de savoir qui c'est, comme toi. J'ai également envie d'inviter l'inspecteur Lernot à dîner, histoire de faire connaissance. Tu peux te joindre à nous si tu veux. Dois-je accepter cette offre ? Je m'interroge. Tu ne vas tout de même pas avoir le culot de dire oui. De toute façon, elle n'a pas accepté que je sache. Et je ne suis pas libre ce soir. Martin lui donna une tape sur l'épaule. Tu sors ? Je suis en service. En service ? Tu te fiches de moi ? Je dîne avec une journaliste. Quelle conscience professionnelle ! presque aussi développée que la mienne. Elle est jolie à part ça. Très. Martin était ravi. Très bien, tu m'enlèves les scrupules que j'aurais pu avoir. Passe une bonne soirée, Christophe. Toi aussi, Martin. Si tu la retrouves, j'y arriverai. Peut-être allons nous faire avancer l'enquête. J'en suis persuadé. Où allait-il inviter Chantal? Aucun nom de restaurant ne lui vint à l'esprit. Il aurait dû demander à Martin. Il savait où aller. Il pensa compulser la liste que Martin gardait dans son tiroir, choisit un établissement dont son ami lui avait dit le plus grand bien, réserva une table et rentra chez lui. Une heure après, en pleine forme, après une douche bien chaude, accompagnée d'une musique rock, il récupéra sa Citroën et se rendit au rendez-vous. Chantal l'attendait au bar du restaurant. Il ne se souvenait plus de sa beauté. Elle n'avait pas fait d'effort vestimentaire, pourtant elle rayonnait. « Une fille pareille ne s'oublie pas », se reprocha-t-il. « Je suis à l'heure », bredouilla Christophe sous le charme de son invité. « Toutes les femmes n'arrivent pas en retard, contrairement à ce que pensent les messieurs », fit-elle dans un large sourire. « Certainement. J'ai l'impression que la journaliste va avoir raison toute la soirée. » Christophe tenta le sourire enjôleur. « Tu es mignonne quand tu es en colère, tu sais, Chantal. Allons dîner, nous avons des choses à nous dire. » Ils s'installèrent comme des amis intimes autour d'une petite table ronde un peu à l'écart, recouverte d'une nappe blanche, éclairée par de fines et longues bougies qui créaient des reliefs évocateurs et des ombres mystérieuses. De larges assiettes bleu sombre se détachaient sur la nappe, alors que les couverts en argent et les verres de cristal relevaient discrètement l'ensemble. Les yeux de Chantal brillaient de mille feux. Christophe se demanda ce qu'il en était des siens. « Nous ne nous étions pas vus depuis longtemps. Je me demande pourquoi. » « Parce que tu ne m'as pas fait signe, Christophe. D'ailleurs, sans cette affaire, tu ne m'aurais pas appelé, n'est-ce pas ?»« Je suis assez bête pour ça, c'est vrai. »« Pourtant, j'ai l'impression que tu m'aimes bien. »« Moi aussi, je t'aime bien et... » Elle s'interrompit, laissant le serveur prendre les commandes. « Parle-moi du meurtre, où en êtes-vous ? » ?»« C'est une enquête difficile. » »« Au moins, parle-moi de la victime. Qui était-elle ?»« Apparemment, une femme bien, sans histoire. » Elle gardait gratuitement l'enfant d'une voisine qui tire le diable par la queue. Elle aimait rendre service, traitait bien sa femme de ménage, on ne lui connaît pas d'ennemis. Et d'amis ? Elle avait quelques amis. Nous les avons rencontrés sans rien apprendre de probant. Je crois qu'il s'agit d'un crime crapuleux. Vous avez vérifié son compte en banque ? C'est en cours. Vous n'êtes pas très... Je pourrais vous aider. Tu connais les consignes du commissaire. Nous ne devrions pas être ensemble à l'heure qu'il est. J'espère qu'il n'en saura rien. Christophe avait instinctivement baissé la voix. Il goûta le vin, manifesta sa satisfaction. Le serveur se retira. Nous interrogeons toutes les personnes qu'elle connaissait. Je ne sais quoi te dire de plus. Pourquoi m'avoir invité alors ? Pour te voir, Chantal. J'en avais envie. J'ai pensé à toi pour te donner des infos. Mais j'avais surtout envie de te voir. Chantal souriait et semblait avoir oublié ses questions sur le crime. Ils parlèrent, échangeant des regards et des sourires complices. Christophe effleura ses doigts. Il sentit le désir monter en elle. Il se laissa aller. Cela ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il avait l'impression d'être seul avec elle. Le serveur s'était fait discret. Les autres tables n'existaient pas. La cuisine excellente participait au charme ambiant. Christophe remplissait régulièrement les verres, sans arrière-pensée. Il savait qu'elle tenait l'alcool mieux que lui. Ils attendaient le fromage lorsque Martin, accompagné de Marie-Solange, entra. Ils se saluèrent, se présentèrent. « Nous travaillons aussi, l'inspecteur Lernot et moi. Nous allons faire le point de ces investigations de la journée. » Crut bon de dire Martin en s'éloignant vers une alcôve discrète, sans s'imaginer qu'il venait de briser un instant de tendresse. « Désolé de te faire bosser aussi tard, Christophe, » dit Chantal, contrarié. Martin plaisantait. « Je reconnais son humour assassin. Il est gêné d'être vu avec un jeune inspecteur, aussi mignonne. » dit maladroitement Christophe. « Y a-t-il un risque de récidive ? » dit-elle d'un ton sec à la hauteur de sa déception. « Nous ne le croyons pas. Un crime crapuleux. En fait, vous ne savez rien du tout. Tu es dur avec moi, Chantal. » Le fromage accompagné d'un Bordeaux grand cru eut le mérite de calmer Chantal et de lui rendre sa bonne humeur. Elle éclata de rire sans retenue plusieurs fois. « Je suis sûr que tu es sincère, » finit-elle par glisser souriante. « Je ne sais plus quoi dire, Chantal. Sinon que tu es particulièrement belle ce soir, que je me sens tout bête, et je me sens bien avec toi, Christophe. » Cette idée de Martin faillit tout gâcher. Ses yeux brillaient comme des diamants lorsqu'elle reprit, enjôleuse. Tu es trop gentil, Christophe. Peut-on être trop gentil? Avec moi, tu peux l'être autant que tu le souhaites. Glissa-t-elle dans un souffle. Elle le fixa tendrement. Serait-ce une invitation à prolonger la soirée? Demanda Christophe. C'est ce que je souhaite, affirma-t-elle en plongeant ses yeux dans les siens. Christophe raccompagna Chantal chez elle. Un moment, il songea à Marie. Devrait-il lui parler de cette exquise soirée? L'alcool noya cette interrogation. Ce soir, il avait mieux à faire.